إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Nous avons fait descendre sur toi le livre en vérité afin que tu puisses juger entre les gens parce que Allah t'aura montré, ne sois pas un disputeur ou un querelleur pour les traîtres. Cela en vue de parler brièvement d'un sujet qui, comme à chaque nazila qui touche les muslimines, que ce soit de façon générale ou dans des lieux particuliers, est en lien avec les koufars. Malheureusement, nous sommes souvent avoir affaire à trouver des gens qui font preuve de défense envers ces gens-là, envers les koufars. On l'a vu lors des faits des attentats, on l'a vu lors des faits qui se sont déroulés avec le Charlie Hebdo, on l'a vu, on le voit, c'est une chose qui se répète. D'accord ? C'est une chose qui se répète. Et là, actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, dans cette pandémie qui se propage dans le monde de coronavirus, qui touche principalement les pays de koufars, chose qui devrait normalement ouvrir les yeux aux frères, quand tu vois la différence de la situation des pays d'islam et celle des pays de koufar, et on peut rentrer avec eux l'Iran, car c'est un pays de munafiqin, normalement cela devrait ouvrir les yeux aux frères, de pouvoir se rendre compte que ces gens-là ne sont pas à défendre. Nous avocons contre eux. Nous avocons contre les koufars. Et malheureusement, nous voyons des frères qui disent qu'il ne faut pas avoquer contre eux. Lorsqu'ils voient que des odoras sont faits contre les koufars, cela les attriste. On ne sait pas pourquoi. وقد قال تعالى قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. Il a dit que la haine est déjà apparue depuis leur bouche et ce que leur poitrine contient est encore plus grand. Et nous avons déjà clarifié dans les versets, si jamais vous pouviez raisonner. C'est-à-dire, Allah nous a montré qui sont ces gens-là. Qui sont les mécréants? Il dit, et vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, alors que vous croyez au kitab entièrement. Donc là, par rapport à cela, j'aimerais lire justement quelques passages de Nalissala que notre cher Yahya ibn Ali Hajouli avait écrit en réfutation à Youssef Kardawi, il y a cela plusieurs années, concernant ce sujet-là. Je vais prendre juste quelques passages, vite fait, le Shahid, pas tout, qui était, avait pour titre, Shal'iyat, Ad-du'a al-kafirin, qui est le côté légiféré de pouvoir invoquer contre les mécréants. Le shir ici dans cette risala, yaqul Ad-du'a al-kafirin hadha, que l'invocation contre les mécréants est une chose que le Coran cite clairement, car il a informé Allah Azza wa Jal à propos de Isa et de Daoud qu'ils ont maudit les mécréants parmi les fils d'Israël. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Que ont été maudits ceux qui ont mécru des fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam, cela pour ce qu'ils ont désobéi et outrepassé les limites, c'est-à-dire ils faisaient déjà des actes blâmables et ne se l'interdisaient pas. Quelle mauvaise chose qu'ils faisaient. يقول الله لعن الكفرة على لسان هؤلاء الأنبياء وقال عن نبيه موسى عليه السلام. Donc Allah il a maudit les mécréants et cela à travers la langue de ses prophètes. Allah il a dit à propos de ce prophète qui est موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Qu'il a dit dans le sens Moussa, il a dit, oh, notre Seigneur, tu as donné à Pharaon ainsi qu'à ses notables des parures et des biens en ce bas monde. Notre Seigneur, afin qu'ils égarent les gens, c'est-à-dire qu'avec ses parures et ses biens, ils égarent les gens de ton sentier. Oh, notre Seigneur, anéantis leurs biens et serre sur leur cœur afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Et donc lui, il a mis quoi comme cause Isa, Moussa alayhi salam à ce moment-là pour son invocation? Ce n'est pas forcément leur mécréance ou quoi, mais le fait qu'avec leurs biens, ils égarent les gens. Que font les koufars dans le monde avec leurs biens? Que font-ils avec leurs richesses par rapport aux muslimines? On en reviendra pour la parasite, inshallah ta'ala. Tout comme notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même invoqué contre les koufars. Comme a qu'a Allahumma ijal alayhim sinin kasini Yusuf. Il a dit, oh Allah, donne-leur des années de richesse, des années de sécheresse, comme les années de Yusuf. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش dans le sens où elle dit oh Allah châtie Quraysh trois fois. C'est au moment où il faisait la salat et qu'ils avaient posé sur lui des entrailles d'une chèvre, et après il a nommé certains d'entre eux par leur nom, sept qu'il a nommé. Et كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه lorsqu'il s'est levé après le asr et qu'il a rassemblé les gens, il leur a dit à ce moment-là de ne pas désirer rencontrer l'ennemi. D'accord ? Mais que ils aient la kaïte mouhou, fas'alou la rafia. Et si jamais vous les rencontrez, leur demandez à Allah qui vous préserve. Wa'alamu anna al-janna taht zilal as-suyuf. Et sachez que le paradis est sous les ombres des épées, c'est-à-dire au combat. Et à la fin, il a dit quoi ? Allahumma munzil al-kitab wa mujil as-sahab wa hazim al-ahzab yazimhum wa zalzilhum. Il a dit, oh Allah, toi qui a fait descendre le livre, qui fait courir, ou plutôt qui fait passer les nuages, et toi qui peux vaincre les coalisés, alors combat-les, dans le sens d'avoir la victoire sur eux, et secouer-les, c'est-à-dire comme un séisme. Car des gens pourraient dire, taïeb, ces invocations-là, elles ont été faites pour les koufars, qui s'en sont pris au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, directement. Ceux qui ont fait preuve de i'tida. On dit l'arme. Mais dans d'autres cas, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsqu'il dit, alayka bi Quraysh, alayka bi Quraysh, alayka bi Quraysh, ceux qui s'en étaient pris à lui, à ce moment-là, n'étaient que sept, lorsqu'il avait fait la salat, et qu'ils ont mis sur lui des entrailles d'une chèvre. N'étaient que sept. Et pourtant, il a fait un doa général contre tout Quraysh. Kazalik, lorsqu'il est arrivé à Medine, à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Aïcha, et que Bilal et Abu Bakr et autres avaient été atteints d'une fièvre, d'une maladie, qu'ils avaient mis mal en point, moi, va qu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand là, حول حماها الى جحفه. Le Nabi sallam il a fait une invocation pour Al-Medina, kalamim tbaraka, et il a dit, il renvoie sa fièvre à Al-Jurfa. C'est-à-dire, cette fièvre qui touchait ses compagnons et les habitants d'Al-Medina, le Nabi sallam a fait un dua, non pas que Allah l'enlève, mais qu'il l'envoie à Jurfa. Jurfa, c'est qui est-ce qui habitait? C'était les Yahoud. Les Juifs. وقال الخطابي رحمه الله تعالى وغيره. وكان سكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا كما on a dit que ceux qui habitaient le Jurfa à ce moment-là c'était des Yahoud. قال وفيه دليل للدعاء للكفار بالأمراض والأسقام والهلاك وفي الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم عنها وهذا المذهب العلماء كافة. Il a dit également que cela contient une preuve que l'on puisse faire des invocations contre les kuffars qui sont atteints de maladies, qui sont atteints de mal, qui sont atteints par la destruction ou qu'ils périssent. Également, cela contient une invocation en faveur des muslimines pour leur santé et que leur pays s'améliore et qu'ils reçoivent la baraka et que le mal leur soit ôté ainsi que les difficultés leur soient soulagées. Et cela, c'est le mazhab de tous les savants. De tous les savants. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, c'est Yahoud d'El-Jurfa. On n'a pas entendu qu'ils aient quelques litiges avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il venait juste d'arriver à Medina. Et pourtant, sachant qui sont les Yahoud, il a fait un dua que cette maladie se retourne vers eux. Donc comment après cela, lorsque l'on invoque que Allah azawajal envoie ce virus sur eux et qu'il leur ajoute des gens attribués affiliés à l'islam, s'en mécontentent et s'en irritent. Ils disent, comment vous invoquez contre les koufars? On dit, non, on invoque contre les koufars. Et sur les légiférés. Et les preuves sont là, à l'appui. Ce fut également le cas, comme l'ont fait des sahabas, yaqul, wa thabata fi sahih al-Bukhari, min hadith Abi Hurayra, wa kana Abu Hurayra yaqul, inni la ujbihukum salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa kana yaqnut fi arakat al-akhira, fi arakat al-akhira, min al-salawat al-maktouba, yadu lil-mu'minin wa yal'an al-kafirin. Qui fait rapporter en Sahih al-Bukhari que Abu Huraira, radiallahu anhu, dit, je suis celui qui ressemble le plus au Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat. Et il faisait le kunut dans la dernière rak'at de sa salat, salat obligatoire, dans laquelle il l'invoquait pour les muslimines et qu'il maudissait les kafirines, les kuffars. Al-Qadi Iyad, rahmallahu ta'ala, dans l'expression de muslim, dans ce hadith-là justement, il explique en disant « قَالَ جَوَازْ لَعْنِ الْكَفَرَ وَالدُّعَ عَلَيْهِمْ وَالتَّعِيِّنْ مَنْ تَعِيَنَ مِنْهُمْ » qu'il est permis justement de maudire les kuffars, d'invoquer contre eux, et même de désigner qui l'on veut parmi eux, parmi ceux qui le méritent. وَقَالَ وَأَخْرَجَ مَالِكْ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى بِسِنَدٍ صَحِيحٍ أَنِ الْأَعْرَاجِ أَنَّهُ قَالَ مَا دَرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ. Il a dit الأعراج, qu'il a dit que moi j'ai rencontré les gens, c'est-à-dire parmi les sahaba, et qu'ils maudissaient les mécréants pendant Ramadan, c'est-à-dire pendant Talawih. وقال ابن عبد البر أدرك الأعراج جماعة من الصحابة وكبار التابعين وهم يلعنون الكفرة في رمضان في الكنوت الوتر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Ibn Abdelbar dit la même parole en parlant de l'A'raj, qu'il a rencontré les Sahaba et qu'il maudissait les kafara, les kuffars, pendant Ramadan, lors du kunut, lors du witr. Et cela en suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là il dit quoi? Dans son commentaire de Al-Muwatta de l'imam Malik, il dit que cela contient la permission de pouvoir maudire les kafaras, qu'il s'agisse des gens, des humains, c'est-à-dire ceux qui ont un pacte avec nous ou pas, qu'il est permis de les maudire, donc d'invoquer contre eux. Et pour revenir justement à Abu Huraira, le hadith de Bukhari, c'est il dit « Min hadith Abu Huraira, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qanata fi dhuhr wa al-isha al-akhira, wa salat al-subh yadou al-mu'minin wa yal'an al-kafir, ou al-kuffar. » Et qu'Abu Huraira rapporte dans l'imam de l'imam Bukhari, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le kunut, salat du dhuhr et du isha. Et dans le salat du sobh, il invoquait pour les muslimines et invoquait contre les kuffars. Et Al-Bukhari, il a fait un chapitre entier dans son livre, dans son sahih, donc, qui s'appelle Marazi, qui est le kitab des batailles, Bab du'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-kuffar Quraysh, qui est le chapitre de l'invocation du Nabi sallallahu alayhi wa sallam contre les mécréants de Quraysh. Et dans son kitab de Sayyir, Bab du'a al-Mushrikin bi-Hazima wa Zalzala, qui est le chapitre de l'invocation contre les mouchriquins, qu'ils soient vaincus et qu'ils soient secoués. Maintenant, on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà agi différemment. Comme lorsque il s'est rendu auprès de gens pour leur faire l'appel à l'islam et que ces gens-là se sont mis à le rejeter, à lui jeter des pierres, comme l'a rapporté Aïcha, que c'était parmi le jour le plus dur qu'il ait connu de sa vie. Lorsque son appel a été rejeté par des gens. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque Jibril alayhi salam est venu le voir et pour lui dire que tel ange, c'est l'ange des montagnes, et si jamais tu le veux, il pourra anéantir ces gens-là qui t'ont rejeté en les écrasant sur des montagnes. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé que cela se fasse en disant que j'espère que Allah pourra sortir des reins de ces gens-là, c'est-à-dire de leur descendance, des gens qui adoreront Allah seul et ne le censureront rien du tout. Cela, quand j'en avais parlé avec mon cher Abdelhamid Hadjouli, il a dit déjà, il se peut que Allah lui avait fait montrer par sa révélation que justement les gens de Jazirat al-Arab, la péninsule arabique, allaient croire. Ils allaient croire. Donc ils n'avaient pas de faïda à les faire mourir. D'autre part, c'est que cela était au début de la da'wa du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était venu pour appeler les gens à l'islam, en ses débuts. Donc comment peut-il, à ce moment-là, invoquer qu'une communauté entière puisse être détruite du fait qu'ils aient refusé sa da'wa? Ce qui pourrait engendrer des conséquences par la suite pour les autres. Tout comme, également, comme cela est venu dans Sahih al-Muslim, selon Abu Huraira, que des gens sont venus le voir parmi ses compagnons, ils l'ont dit, « Ya Rasulallah, udwa al-mushrikin. » Ils lui ont dit, au message d'Allah, invoque contre les mouchriquins. Il a dit, que je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'étais envoyé comme miséricorde pour le monde. À ce moment-là, l'imam Nawawi, par rapport à ce hadith, il a dit, l'un n'empêche pas l'autre. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'autres hadiths sont venus montrer qu'il a invoqué contre les kuffars, contre les mouchriquins, lors de la hajja, lors des besoins. Ensuite, il ne faut pas oublier ce fameux hadith de Ibn Abbas quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ittaqi da'wat al-mazloum fainahu laysa baynahu wa bayna Allah hijab, craint la vocation de celui qui est lésé car il n'y a rien qui le fait rempart entre elle et entre Allah azza wa jalla. C'est-à-dire celui qui est lésé, qui invoque contre celui qui est injuste envers lui, Allah lui répond. Plusieurs athars sont venus que des sahaba ont invoqué contre des gens qui leur font du mal parmi les musulmans. Parmi les musulmans. D'accord ? Ils ont invoqué et leur invocation a été exaucée. Quels sont les gens qui font le plus de mal aux musulmans dans le monde ? Ce sont les kuffars. Comme il y a le chien nefso. Al-Yahoub al-Sara wal-Malahida. Minhum man yasubbuna Allah. ويسبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويسبون دين الإسلام ولا يحق للمسلم أن يحسن الظن به واحد منهم. Que parmi ces gens-là, c'est parmi les Yahoud, parmi les Nasara et parmi les athées par exemple, il y en a qui insultent Allah Azza wa Jal, qui insultent son messager صلى الله عليه وسلم et qui insultent la religion de l'islam. Donc il ne revient pas aux musulmans de penser du bien de ces gens-là. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغربون. Que ceux qui ont mécru dépensent de leurs biens pour obstruer les sentiers d'Allah et les dépenseront, elles seront contre eux justement par la suite à un regret et ils seront vaincus. On le voit, on ne voit pas aujourd'hui. Regardez combien d'argent sont perdus, le déficit dans lequel ils se trouvent à cause de cette maladie par rapport aux biens qu'ils ont dépensés pour pouvoir s'en prendre à l'islam. Ce coronavirus est venu d'où ? En premier lieu de la Chine. Est-ce que l'on ignore ce qui s'est passé en Chine sur nos frères, là-bas, comme injustice, quand ils étaient emprisonnés dans des camps afin de les faire apostater de la religion ? Ou alors ce qui s'est passé ces dernières années en Birmanie, comme injustice, ou en Inde ? Ou alors ce que les gens connaissent, aux yeux de tous, depuis près de 60 ans ou ce n'est plus, ce qui se passe en Palestine ? Ou alors ce qui se passe en France, comme injustice, comme discrimination ? Ou à propos du hijab de la femme, ou alors leur fameuse, qu'ils appellent lutte antiterrorisme, dans lesquelles ils s'en prennent aux salafis en réalité, où ils ferment leur masajid, d'accord ? Où ils essaient de stigmatiser les musulmans avec leur plan de radicalisme, si tu vois tel et tel signe, sache que tu as fait un islam radical, appelle tel numéro, ou voire même que certains se font prendre la garde de leurs enfants, où tu es fiché S, où tu es interdit de sortir du territoire, tu ne peux pas être libre dans tes mouvements. Et tout cela pourquoi, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme? En réalité, lorsqu'ils font cela, ils s'en prennent à qui? Au jour de la sunna. Ils en sont arrivés à fermer des massages en France. وَقَمَا قَالَ تَعَالَى فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Et qui donc est plus injuste que ceux qui interdisent les maisons d'Allah, ces massages, qu'on y invoque son nom. Qui est donc plus injuste que cela? Donc cette injustice qu'on en invoque contre eux. Tout ce mal qu'ils ont fait auparavant. لَعَلَّنَا نرى نتيجة في هذه الأحداث هذه الوقائع الآن. Tout ce qui est arrivé comme mashakil ces derniers temps dans les pays musulmans, ce qu'ils appellent le printemps arabe, où les musulmans sont révoltés contre le gouverneur. Regardez les résultats aujourd'hui. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé au Yémen, avec les Houthis actuellement, les Houthis qui sont défendus par qui ? Par l'ONU. Dès que le peuple yéménite prend l'avantage sur les Houthis, l'ONU débarque et demande un cessez-le-feu. Au nom de quoi? De la préservation des vies, des innocents, soi-disant, d'après eux. Donc, combien de doa a-t-on fait contre ces gens-là? Combien de doa a-t-on fait contre ces gens-là? Que Allah Azzawajal les éprouve. Et le fait de faire doa contre eux, on ne veut pas dire forcément que Allah les détruise tous, un par un, car on sait très bien que ces gens-là seront présents jusqu'à la fin des temps. Taïe. Également, on ajoute que ces gens, parmi nos frères, qui réprouvent le fait d'invoquer contre les koufars, parmi leur ilal, ils disent également qu'il y a parmi eux, qu'il y a parmi ces koufars, des musulmans qui vivent là-bas. On dit, naam, il y a des musulmans qui vivent là-bas. C'est vrai. Et en ce qui concerne cette maladie, on a déjà pris le hadith de Aïcha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était interrogé à propos du taroun, il a dit, « Anna Allah ja'alahu azaban yu'azibu bihi man yasha wa ja'alahu rahmatan li mu'minin. » Les ibadis, les mu'minin, que Allah en a fait un châtiment pour qui il veut, c'est-à-dire par rapport aux mécréants, et par rapport peut-être aux gens transgresseurs, il en a fait une miséricorde pour les croyants. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à avoir peur. D'une part. Ça, c'est une réponse. L'autre réponse qu'on dirait, c'est que la base, au lieu de blâmer les musulmans qui font doa contre leurs ennemis, chose qui leur est tout à fait légitime, on n'entend pas de blâme à l'encontre de ces musulmans qui vivent en pays de kufr, alors que cela ne l'aurait pas permis à la base. Rester dans ces pays-là est une chose qui leur est interdite. Parmi les kaba'ir, comme a dit Allah, « Inna lazina tawafahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum, qalu kunam salafina fil ard, qalu lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux dont les anges arracheront, ceux dont les anges arracheront les âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ils diront, où en étiez-vous? C'est-à-dire dans votre religion. Ils diront, nous étions des affaiblis sur terre. Ils diront, c'est-à-dire les anges, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous puissiez émigrer? Ceux-là sont le refuge et le feu, et quelle mauvaise destination. L'imam Bukhari, rahmallahu ta'ala, a apporté sur l'Ibn Abbas, qui l'a dit, إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله ويضرب فيقتله فأنزل الله تعالى هذه الآية qu'il a dit Ibn Abbas qu'il y avait des gens parmi les musulmans qui vivaient auprès des mushrikins et ils augmentaient leur nombre contre le message d'Allah صلى الله عليه وسلم. Donc lors des combats, certaines flèches atteignaient ces muslimines et les tuaient. Donc de là, Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset. Il a fait descendre ce verset. Ibn Kathir dit par rapport à ce verset, « Nazalat adil aya al-kalima, ammatan fi kulli man aqama bina zahranay al-mushrikin, wa waqadiruna la hijra. » Que Allah Azza wa Jal a fait descendre ce nombre de versets sur tous ceux qui résident au milieu des kuffars alors qu'ils sont en mesure de pouvoir partir. « Wa laysa mutamakkinan min ikamat al-din, fa huwa zalim nafsi. » Et celui qui n'est pas en mesure de pouvoir accomplir sa religion, extérioriser comme il se doit. Et ça, on a déjà parlé que veut dire extérioriser sa religion. Cela ne se limite pas seulement au fait d'accomplir les cinq piliers. Cela est bien plus large que cela. Et il dit, Murtakibun haraman biljma. Et qu'il a accompli en cela une chose qui est illicite, et cela par unanimité. Et cela est parmi les kabas et les grands péchés, car Allah Azzawajal a menacé d'un grand châtiment. Tout péché sous la menace d'un grand châtiment est considéré comme étant parmi les grands péchés, parmi les kaba'ir. Donc rester là-bas à la base, en soi sans excuse valable, est un grand péché et cela t'expose à être touché parce qu'il touche les kuffars. Cela amène à ce que tu sois touché parce qu'il touche les kuffars. Et ça, c'est des sujets qu'on a abordés. At-Tirmidhi, dans son sahih, il a mis « Bab ma ja'a fi karahiyat al-maqam bayna azrar al-mushrikin » qu'il a mis le côté détestable de vivre au sein des mushrikins. Et là, karahiya, ça a le sens de illicite. Comme va le montrer le hadith de Jarir ibn Abdillah, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé justement une troupe à Khatham, à un lieu, une contrée. Et de là, des gens parmi eux ont voulu justement se protéger de ces muslimines, de cette troupe qui a été envoyée, en se prosternant devant. Pour leur dire, nous sommes des muslimounes. Et de là, malgré tout, ces muslimounes, envoyés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont attaqué. Et ces gens qui se prosternaient ont été tués. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَذْرَارِ الْمُشْرِكِينَ وَقَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَرَاهُ نَارَاهُمَا. Qu'il est dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été averti justement que ces muslimouns ont été tués alors qu'ils étaient prosternés, il a dit, il a ordonné de payer la moitié du prix du sang pour eux, pour leur vie. Et il a dit, je suis innocent de tout muslim qui vit au milieu des mushrikins. Et il a dit que leurs feux ne doivent pas se voir. Ça veut dire que tu dois être loin d'eux. Ibn Qayyim l'a dit en taliq de ce hadith, à savoir que ce hadith-là, il est discutable par rapport à ce côté, à ce degré d'authenticité. Certains ulama l'ont authentifié et d'autres, non. On voit qu'il est mursel. Quoi qu'il en soit, le jugement reste évident par rapport à cela. De celui qui se fait tuer en étant une cause, lui-même, en ayant une part, ayant causé sa propre mort. Il a dit, Ibn Qayyim, rahmallahu ta'ala, « Qale ba'd al-ilm innama amara rahum binisil aql ba'd ilmi bi-islamihim liennahum kod a'anu al-anfusihim bi-makamihim bi-nazharay al-kuffar. » فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وقال هذا حسن جدا. Il a dit justement Ibn Qayyim que certaines personnes, parmi les gens de science, ont dit qu'il leur a été ordonné de ne payer que la moitié du prix du sang, tout en connaissant leur islam, du fait que ces gens-là ont causé leur propre perte eux-mêmes, ont contribué à ce que cette mort leur parvienne, comment, en étant au milieu des mouchikines, car cela ne leur était pas permis. Cheikh Abdel Mohsen Abed, Hafizallahu ta'ala, dans son taliq de Sunan Abu Daoud, où le hadith également cité, donne la même cause. Il donne la même cause. Que ces muslimouns, on a dû payer la moitié du prix du sang pour eux, du fait qu'ils ont une part de contribution à leur propre mort, en restant au milieu des koufars. Donc c'est-à-dire que c'était un blâme pour eux, par rapport à ça. Maintenant, nous, il n'y a pas de chatte à la main. On n'est pas entre, on se réjouit pas de ce qui arrive à nos frères là-bas. On fait dora que Allah les préserve. D'accord? Et qu'il les prémunisse de ce mal qui les touche. Quoi qu'il en soit, le premier blâme, corona ou pas corona, à la base, le muslim ne doit pas rester là-bas. De toute façon. Donc nous, nous avons pour croyance profonde que cette maladie qui touche actuellement le monde est un azab sur les koufars. Et ce n'est pas diarim al-aib, ce n'est pas prétendre connaître la science de l'invisible. C'est que le kafir, en lui-même, à partir du moment où il est touché d'un mal, et qu'il meurt sur la mécréance, ça ne peut être qu'un châtiment pour lui, et rien d'autre. Ce qui n'empêche pas que ce soit une cause de guider pour d'autres qui voient cela. Cher en famille, il est interrogé par rapport à ça. Par rapport à la hikmah qu'il y a sur le châtiment qui touche le kafir. Qala, na'am nakul zalika, lina azab al-kafir laysa rahmatan fil waqi' lil-mu'azzib. Il a dit, na'am, on dit cela. Car le châtiment qui touche le mécréant, ce n'est pas une miséricorde, en réalité, pour celui qui se fait châtier. L'enumata el-en, la yomkin en yesta'atab. Car maintenant, il est mort, et ne pourra pas prendre cela en considération. Lakin, yab min al-waqi' rahmatan mu'minin. Mais par contre, cela reste une miséricorde pour le croyant. L'enna al-mu'min izara adouwa ou yu'azab min indillahi, la ashek anu yafrah. Ou yenna'am bizalika. Car il a dit que lorsque le croyant voit, justement, l'ennemi d'Allah se faire châtier, il s'en réjouit. Il s'en réjouit, il en est content. Regardez un peu. On est content que cela leur arrive. Mais là, chèque. Wa li yazakallahu ta'ala li nabihi, kul nahnu tarabbasu bikum, wa nusibakumullahu bi azabin indihi ou bi aidina. Il dit, Allah Azza wa Jalla, dans le sens, dit, nous attendons que Allah vous touche d'un châtiment qui provient de lui ou qui provient de nous. Que Allah vous touche d'un châtiment provenant de lui, provenant de nous. Nous, c'est ça que l'on attend. فَبَيِّنَا عَزَا وَجَلْ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَلَبَّسُونَ بِهِمْ أَعْدَاءَهُمْ إِلَا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا الظَّرْفُ أَوْ الْإِنْتِصَارُ عَلَى الْأَعْدَاءِ. Donc Allah il a montré que les croyants n'attendent que deux choses par rapport à leurs ennemis. Soit qu'ils soient atteints d'un mal, ou soit alors qu'ils soient sauvés de leurs ennemis. إِمَّا شَهَادَ وَكِلَاهُمَا حُسْنًا. C'est-à-dire qu'ils soient atteints du martyr. Et ce genre de châtiment ne touche qu'un peuple. On parle des koufars, qui est injuste. Comme a dit Ta'ala, « وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْكُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُوَا الظَّالِمُونَ » Et nous n'étions pas tels à détruire une contrée sans que ces gens ne soient des gens injustes. Et Cheikh Fahmi dit également, dans son char de Kitab Tawhid, il dit, « أَمَّا الدُّعَى بِالْهَلَكِ لِعُمُومِ الْكُفَارِ فَإِنَّهُ مَحَلْ نَظَرِ وَلِيَذَا لَمْ يَعْدُهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَقُرَيْشِ بِالْهَلَكِ بَلْ قَالَ اللَّهُمَ عَلَيْكَ بِهِمْ اللهم عليك اجعل عليهم سنين كسن يوسف. Il a dit maintenant le fait d'invoquer contre eux que Allah les tue tous, ça c'est une chose qui est discutable pour lui. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invoqué cela. Lorsqu'il a invoqué contre Quraysh, il a invoqué que Allah les châtie et qu'il envoie sur eux justement des années de sécheresse comme celle de Youssef, comme on a dit au début. وقالوا وهذا الدعاء عليهم بتضييق وتضييق قد يكون من مصلحة الظالم من حيث يرجع الى الله عن ظلمه. Il a dit et le fait d'invoquer sur eux qu'ils vivent des périodes difficiles de tourments, de détresse, cela, ça peut être un intérêt pour lui, du fait que, par la suite, ça soit une cause pour qu'il revienne à Allah Azzawajal et qu'il fasse tawbah. C'est que un bien. Ça va détruire les mauvais d'entre eux et peut-être une cause de guider pour les autres, qui prendront à l'ibra de ce qui s'est passé. Et je fais un tambi aussi ici, par rapport à ce genre de personnes qui veulent montrer une forme de respect ou une forme d'alliance envers les koufars. Car dans ce genre d'épreuve, notre aqida, elle apparaît. Le tawhid, il apparaît de la personne. Son tawakkul, il apparaît dans sa personne, de la personne. Son walal bara, il apparaît dans la personne. Réel valika. Tu en vois parmi eux, quand tout va bien, ils disent, non, lui, c'est un non-musulman, il faut le respecter, et kaza, et kaza, et kaza. Et le jour où il y a un conflit entre les deux, une chose de dunya, il a les dans ses biens, dans son argent, comment il va parler, le discours, il va changer. Là, ça va être, de toute façon, lui, c'est un sale kafir. Et lui, Allah, il faut qu'Allah le tue, et kaza, et kaza, et kaza. Ça veut dire que sa akida, n'est pas basée sur le maslaha diniya, elle est basée sur la maslaha dunyawiya, par rapport aux intérêts mondains. Et ce genre de personne ne t'attend pas à avoir d'eux un secours de la religion, ce qu'il faudra. Et quoi qu'il en soit, la nazel nad'ou, Allah azawajel, an yarfaz ikhwanana huna. Nata'allam mimma yahsul lahum. Et pourtant, on a vu les fruits de ce confinement, de cette pandémie là-bas, apporter un grand bien pour beaucoup d'entre eux, ceux qui avaient une bonne aqida. car aujourd'hui ils ont pris leçon de cela, ils restent chez eux, ils en profitent pour faire du bien, pour adorer Allah Azza wa Jalla encore plus, pour faire Talab al-Ilm et pour rattraper des choses qui leur ont échappé auparavant, comme l'ont conseillé nos mashayikh. فَهَذَا فِي مَصْلَحَ Quoique Allah y qaddar sur nous, il n'y a qu'un bien derrière. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mal ne vient pas d'Allah. Allah a créé le mal, mais le mal n'est pas de lui dans le sens où ce mal qui nous touche est un mal à nos yeux, à nous. Mais en réalité, c'est un bien derrière pour l'ensemble. Que l'on s'en rende compte ou pas. Toujours ne pas oublier وَكَيْفَ أَسَى عَلَكُمْ مِنْ كَافِرِينَ Et comment serais-je donc attristé sur un peuple de mécréants? Wallahi, كَيْفَ أَسَى عَلَكُمْ مِنْ كَافِرِينَ هذا الذي ردنا اليوم سأل الله عز وجل أن يصرف عن المسلمين كل شر وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم وأن يعذب الكفار والمشركين ويزيد عليهم من هذا البلاء وأن يهدي منهم من كان فيه خير بهذا كنا نكتفي والحمد لله رب العالمين.